regardais ce matin le ciel des étoiles. Demain fera-t-il aussi beau? J'ai le cœur qui s'emballe. Mais Dominique, serre-moi, me manque-toi. Je sens tes beaux gestes comme était une fois. Un garçon qui danse, rêve de vivre avec toi. Quand ce temps-là me dévose au repas. Compte de fées, les caresses, compte de faces, les promesses, un nouveau coup à l'épaule, je t'aime les quatre à la fois. Mais Dominique, serre-moi, mais manque-toi. Le sang des beaux gestes, c'est comme était une fois. Caresse, compte de faces, une promesse, un nouveau coup à la volée, je t'aime et les quatre à la fois.